Ah, j'ai eu raison de rester fille, s'écria Lisbeth avec une joie sauvage. Vous êtes un bon et excellent homme, Adeline est un ange, et voilà la récompense d'un dévouement aveugle. Un vieil ange, dit doucement Madame Marneffe, en jetant un regard moitié tendre, moitié rieur à son Hector, qui la contemplait comme un juge d'instruction examine un prévenu. Pauvre femme, dit le baron, voilà plus de 9 mois que je ne lui ai remis d'argent, et j'en trouve pour vous, Valérie, et à quel prix! Vous ne serez jamais aimée ainsi par personne, et quel chagrin vous me donnez en retour! Des chagrins? Reprit-elle. Qu'appelez-vous donc le bonheur? Je ne sais pas encore quelles ont été vos relations avec ce prétendu cousin, de qui vous ne m'avez jamais parlé, reprit le baron, sans faire attention aux mots jetés par Valérie. Mais quand il est entré, j'ai reçu comme un coup de canif dans le cœur. Quelque aveuglé que je sois, je ne suis pas aveugle. J'ai lu dans vos yeux et dans les siens. Enfin, il s'échappait par les paupières de ce singe des étincelles qui rejaillissaient sur vous, dont le regard... Oh, vous ne m'avez jamais regardé ainsi, jamais! Quant à ce mystère, Valérie, il se dévoilera. Vous êtes la seule femme qui m'ayez fait connaître le sentiment de la jalousie. Ainsi, ne vous étonnez pas de ce que je vous dis. Mais un autre mystère qui a crevé son nuage et qui me semble une infamie